Section 8 de Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. Le prince lutin de Madame d'Aulnoy. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient qu'un fils, qu'ils aimaient passionnément, bien qu'il fût très mal fait. Il était aussi gros que le plus gros homme et aussi petit que le plus petit nain. Mais ce n'était rien de la laideur de son visage et de la difformité de son corps en comparaison de la malice de son esprit. C'était une bête opiniâtre qui désolait tout le monde. Dès sa plus grande enfance, le roi le remarqua bien, mais la reine en était folle. Elle contribuait encore à le gâter par des complaisances outrées qui lui faisaient connaître le pouvoir qu'il avait sur elle. Et pour faire sa cour à cette princesse, il fallait lui dire que son fils était beau et spirituel. Elle voulut lui donner un nom qui inspira du respect et de la crainte. Après avoir longtemps cherché, elle l'appela Furibon. Quand il fut en âge d'avoir un gouverneur, le roi choisit un prince qui avait d'anciens droits sur la couronne, qu'il aurait soutenu en homme de courage, si ses affaires avaient été en meilleur état. Mais il y avait longtemps qu'il n'y pensait plus. Toute son application était à bien élever son fils unique. Il n'a jamais été un plus beau naturel, un esprit plus vif et plus pénétrant, plus docile et plus soumis. Tout ce qu'il disait avait un tour heureux et une grâce particulière. Sa personne était toute parfaite. Le roi, ayant choisi ce grand seigneur pour conduire la jeunesse de Furibon, il lui commanda d'être bien obéissant. Mais c'était un indocile que l'on fouettait 100 fois sans le corriger de rien. Le fils de son gouverneur s'appelait Léandre. Tout le monde l'aimait. Les dames le voyaient très favorablement, mais il ne s'attachait à pas une. Elle l'appelait le bel indifférent. Elle lui faisait la guerre sans le faire changer de manière. Il ne quittait presque point Furibon. Cette compagnie ne servait qu'à le faire trouver plus hideux. Il ne s'approchait des dames que pour leur dire des duretés. Tantôt, elles étaient mal habillées. Une autre fois, elles avaient l'air provinciales. Il les accusait devant tout le monde d'être fardées. Il ne voulait savoir leurs intrigues que pour en parler à la reine, qui les grondait, et pour les punir, elle les faisait jeûner. Tout cela était cause que l'on haïssait mortellement Furibon. Il le voyait bien et s'en prenait presque toujours au jeune Léandre. « Vous êtes fort heureux, » lui disait-il, en le regardant de travers. « Les dames vous louent et vous applaudissent. Elles ne sont pas de même pour moi. »« Seigneur, » répliquait-il modestement, « le respect qu'elles ont pour vous les empêche de se familiariser. » »« Elles font fort bien, » disait-il, « car je les battrais comme plâtre pour leur apprendre leur devoir. » Un jour qu'il était arrivé des ambassadeurs de bien loin, le prince, accompagné de Léandre, resta dans une galerie pour les voir passer. Dès que les ambassadeurs aperçurent Léandre, ils s'avancèrent et vinrent lui faire de profondes révérences, témoignant par des signes leur admiration. Puis, regardant Furibon, ils crurent que c'était son nain. Ils le prirent par le bras, le firent tourner et retourner en dépit qu'il en eût. Léandre était au désespoir. Il se tuait de leur dire que c'était le fils du roi. Il ne l'entendait point. Par malheur, l'interprète était allé les attendre chez le roi. Léandre, connaissant qu'il ne comprenait rien à ces signes, s'humiliait encore davantage auprès de Furibon. Et les ambassadeurs, aussi bien que ceux de leur suite, croyant que c'était un jeu, riaient à s'en trouver mal et voulaient lui donner des croquignoles et des nasardes à la mode de leur pays. Ce prince, désespéré, tira sa petite épée qui n'était pas plus longue qu'un éventail. Il aurait fait quelque violence sans le roi qui venait au-devant des ambassadeurs et qui demeura bien surpris de cet emportement. Il leur en demanda excuse, car il savait leur langue. Ils lui répliquèrent que cela ne tirait point à conséquence, qu'ils avaient bien vu que cet affreux petit nain était de mauvaise humeur. Le roi fut affligé que la méchante mine de son fils et ses extravagances le fissent méconnaître. Quand Furibon ne les vit plus, il prit Léandre par les cheveux et lui en arracha 2 ou 3 poignées. Il l'aurait étranglé s'il avait pu. Il lui défendit de paraître jamais devant lui. Le père de Léandre, offensé du procédé de Furibon, envoya son fils dans un château qu'il avait à la campagne. Il ne s'y trouva point désœuvré, il aimait la chasse, la pêche et la promenade. Il savait peindre, il lisait beaucoup et jouait de plusieurs instruments. Il s'estima heureux de n'être plus obligé de faire la cour à son fantasque prince. Et, malgré la solitude, il ne s'ennuyait pas un moment. Un jour qu'il s'était promené longtemps dans ses jardins, comme la chaleur augmentait, il entra dans un petit bois dont les arbres étaient si hauts et si touffus qu'il se trouva agréablement à l'ombre. Il commençait à jouer de la flûte pour se divertir lorsqu'il sentit quelque chose qui faisait plusieurs tours à sa jambe et qui le serrait très fort. Il regarda ce que ce pouvait être et fut bien surpris de voir une grosse couleuvre. Il prit son mouchoir et, l'attrapant par la tête, il allait la tuer, mais elle entortilla encore le reste de son corps autour de son bras, et le regardant fixement, elle semblait lui demander grâce. Un de ses jardiniers arriva là-dessus, il n'eut pas plus tôt aperçu la couleuvre qu'il cria à son maître « Seigneur, tenez-la bien, il y a une heure que je la poursuis pour la tuer, c'est la plus fine bête qui soit au monde, elle désole nos parterres. » Léandre jeta encore les yeux sur la couleuvre qui était tachetée de mille couleurs extraordinaires et qui, le regardant toujours, ne remuait point pour se défendre. « Puisque tu voulais la tuer, dit-il à son jardinier, et qu'elle est venue se réfugier auprès de moi, je te défends de lui faire aucun mal, je veux la nourrir, et quand elle aura quitté sa belle peau, je la laisserai aller. » Il retourna chez lui, il la mit dans une grande chambre dont il garda la clé. Il lui fit apporter du son, du lait, des fleurs et des herbes pour la nourrir et pour la réjouir. Voilà une couleuvre fort heureuse. Il allait quelquefois la voir. Dès qu'elle l'apercevait, elle venait au-devant de lui, rampant et faisant toutes les petites mines et les airs gracieux dont une couleuvre est capable. Ce prince en était surpris, mais cependant, il n'y faisait pas une grande attention. Toutes les dames de la cour étaient affligées de son absence. On ne parlait que de lui. On désirait son retour. « Hélas, disait-elle, il n'y a plus de plaisirs à la cour. Depuis que Léandre en est parti, le méchant furibond en est cause. Faut-il qu'il lui veuille du mal d'être plus aimable et plus aimé que lui? Faut-il que pour lui plaire, il se défigure la taille et le visage? Faut-il que pour lui ressembler, il se disloque les os, qu'il se fende la bouche jusqu'aux oreilles, qu'il s'appetisse les yeux, qu'il s'arrache le nez? Voilà un petit magot bien injuste. Il n'aura jamais de joie en sa vie, car il ne trouvera personne qui ne soit plus beau que lui. » Quelque méchants que soient les princes, ils ont toujours des flatteurs, et même les méchants en ont plus que les autres. Furibond avait les siens. Son pouvoir sur l'esprit de la reine le faisait craindre. On lui conta ce que les dames disaient. Il se mit dans une colère qui allait jusqu'à la fureur. Il entra ainsi dans la chambre de la reine et lui dit qu'il allait se tuer, à ses yeux, si elle ne trouvait le moyen de faire périr Léandre. La reine, qui le haïssait parce qu'il était plus beau que son singe de fils, répliqua qu'il y avait longtemps qu'elle le regardait comme un traître, qu'elle donnerait volontiers les mains à sa mort, qu'il fallait qu'il allât avec ses plus confidents à la chasse, que Léandre y viendrait et qu'on lui apprendrait bien à se faire aimer de tout le monde. Furibond fut donc à la chasse. Quand Léandre entendit des chiens et des cors dans ses bois, il monta à cheval et vint voir qui c'était. Il demeura fort surpris de la rencontre inopinée du prince. Il mit pied à terre et le salua respectueusement. Il le reçut mieux qu'il ne l'espérait et lui dit de le suivre. Aussitôt, il se détourna, faisant signe aux assassins de ne pas manquer leur coup. Il s'éloignait fort vite lorsqu'un lion, d'une grandeur prodigieuse, sortit du fond de sa caverne et, se lançant sur lui, le jeta par terre. Ceux qui l'accompagnaient prirent la fuite. Léandre resta seul à combattre ce furieux animal. Il fut à lui l'épée à la main. Il hasarda d'en être dévoré, et par sa valeur et son adresse, il sauva son plus cruel ennemi. Furibond s'était évanoui de peur. Léandre le secourut avec des soins merveilleux. Lorsqu'il fut un peu revenu, on lui présenta son cheval pour monter dessus. Tout autre qu'un ingrat aurait ressenti jusqu'au fond du cœur des obligations si vives et si récentes, et n'aurait pas manqué de faire et de dire des merveilles. Point du tout. Il ne regarda pas seulement Léandre, et il ne se servit de son cheval que pour aller chercher les assassins, auxquels il ordonna de le tuer. Ils environnèrent Léandre, et il aurait été infailliblement tué s'il avait eu moins de courage. Il gagna un arbre, il s'y appuya pour n'être pas attaqué par derrière, il n'épargna aucun de ses ennemis, et combattit en homme désespéré. Furibond, le croyant mort, se hâta de venir pour se donner le plaisir de le voir. Mais il eut un autre spectacle que celui auquel il s'attendait. Tous ces scélérats rendaient les derniers soupirs. Quand Léandre le vit, il s'avança et lui dit « Seigneur, si c'est par votre ordre que l'on m'assassine, je suis fâché de m'être défendu. » « Vous êtes un insolent, » répliqua le prince en colère. « Si jamais vous paraissez devant moi, je vous ferai mourir. » Léandre ne lui répliqua rien. Il se retira fort triste chez lui et passa la nuit à songer à ce qu'il devait faire. car il n'y avait pas d'apparence de tenir tête au fils du roi. Il résolut de voyager par le monde, mais, étant prêt de partir, il se souvint de la couleuvre. Il prit du lait et des fruits qu'il lui porta. En ouvrant la porte, il aperçut une lueur extraordinaire qui brillait dans un des coins de la chambre. Il y jeta les yeux et fut surpris de la présence d'une dame dont l'air noble et majestueux ne laissait pas douter de la grandeur de sa naissance. Son habit était de satin amarante, brodé de diamants et de perles. Elle s'avança vers lui d'un air gracieux et lui dit « Jeune prince, ne cherchez point ici la couleuvre que vous y avez apportée. Elle n'y est plus. Vous me trouvez à sa place pour vous payer ce qu'elle vous doit, mais il faut vous parler plus intelligiblement. Sachez que je suis la fée gentille, fameuse à cause des tours de gaieté et de souplesse que je sais faire. Nous vivons 100 ans sans vieillir, sans maladies, sans chagrins et sans peines. Ce terme expiré, nous devenons couleuvres pendant 8 jours. C'est ce temps seul qui nous est fatal, car alors nous ne pouvons plus prévoir ni empêcher nos malheurs. Et si l'on nous tue, nous ne ressuscitons plus. Ces 8 jours expirés, nous reprenons notre forme ordinaire avec notre beauté, notre pouvoir et nos trésors. Vous savez à présent, Seigneur, les obligations que je vous ai. Il est bien juste que je m'en acquitte. Pensez à quoi je peux vous être utile et comptez sur moi. » Le jeune prince, qui n'avait point eu jusque-là de commerce avec les fées, demeura si surpris qu'il fut longtemps sans pouvoir parler. Mais, lui faisant une profonde révérence, « Madame, dit-il, après l'honneur que j'ai eu de vous servir, il me semble que je n'ai rien à souhaiter de la fortune. J'aurais bien du chagrin, répliqua-t-elle, que vous ne me missiez pas en état de vous être utile. Considérez que je peux vous faire un grand roi, prolonger votre vie, vous rendre plus aimable, vous donner des mines de diamants et des maisons pleines d'or. Je peux vous rendre excellent orateur, poète, musicien et peintre. Je peux vous faire aimer des dames, augmenter votre esprit. Je peux vous faire lutin aérien, aquatique et terrestre. » Léandre l'interrompit en cet endroit. « Permettez-moi, madame, de vous demander, lui dit-il, à quoi me servirait d'être lutin ?»« À 1000 choses utiles et agréables, repartit la fée. Vous êtes invisible quand il vous plaît. Vous traversez en un instant le vaste espace de l'univers. Vous vous élevez sans avoir des ailes. Vous allez au fond de la terre sans être mort. Vous pénétrez les abîmes de la mer sans vous noyer. Vous entrez partout, quoique les fenêtres et les portes soient fermées. Et dès que vous le jugez à propos, vous vous laissez voir sous votre forme naturelle. « Ah, madame, s'écria-t-il, je choisis d'être lutin. Je suis sur le point de voyager. J'imagine des plaisirs infinis dans ce personnage, et je le préfère à toutes les autres choses que vous m'avez si généreusement offertes. » « Soyez lutin, répliqua Gentil, en lui passant 3 fois la main sur les yeux et sur le visage. « Soyez lutin aimé, soyez lutin aimable, soyez lutin lutinant. » Ensuite, elle l'embrassa et lui donna un petit chapeau rouge, garni de 2 plumes de perroquet. « Quand vous l'ôterez, on vous verra. » Léandre, ravi, enfonça le petit chapeau rouge sur sa tête et souhaita d'aller dans la forêt cueillir des roses sauvages qu'il y avait remarquées. En même temps, son corps devint aussi léger que sa pensée. Il se transporta dans la forêt, passant par la fenêtre et voltigeant comme un oiseau. Il ne laissa pas de sentir de la crainte lorsqu'il se vit si élevé et qu'il traversait la rivière. Il appréhendait de tomber dedans et que le pouvoir de la fée n'eût pas celui de le garantir. Mais il se trouva heureusement au pied du rosier. Il prit 3 roses et revint sur le champ dans la chambre où la fée était encore. Il les lui présenta, étant ravie que son petit coup d'essai eût si bien réussi. Elle lui dit de garder ses roses, qu'il y en avait une qui lui fournirait tout l'argent dont il aurait besoin, qu'en mettant l'autre sur la gorge de sa maîtresse, il connaîtrait si elle était fidèle, et que la dernière l'empêcherait d'être malade. Puis, sans attendre des remerciements, elle lui souhaita un heureux voyage et disparut. Il se réjouit infiniment du beau don qu'il venait d'obtenir. « Aurais-je pu penser, disait-il, que, pour avoir sauvé une pauvre couleuvre des mains de mon jardinier, il m'en serait revenu des avantages si rares et si grands. Oh, que je vais me réjouir, que je passerai d'agréables moments, que je saurai de choses. Me voilà invisible, je serai informé des aventures les plus secrètes. » Il songea aussi qu'il se ferait un ragoût sensible de prendre quelque vengeance de furibond. il mit promptement ordre à ses affaires et monta sur le plus beau cheval de son écurie appelé Gridelin, suivi de quelques-uns de ses domestiques vêtus de sa livrée pour que le bruit de son retour fût plutôt répandu. Il faut savoir que Furibon, qui était un grand menteur, avait dit que sans son courage, Léondre l'aurait assassiné à la chasse, qu'il avait tué tous ses gens et qu'il voulait qu'on en fît justice. Le roi, importuné par la reine, donna ordre qu'on allât l'arrêter, de sorte que, lorsqu'il vint d'un air si résolu, Furibon en fut averti. Il était trop timide pour l'aller chercher lui-même. Il courut dans la chambre de sa mère et lui dit que Léandre venait d'arriver, qu'il la priait, qu'on l'arrêtât. La reine, diligente pour tout ce que pouvait désirer son magot de fils, ne manqua pas d'aller trouver le roi, et le prince, impatient de savoir ce qui serait résolu, la suivit sans dire mot. Il s'arrêta à la porte, il en approcha l'oreille et releva ses cheveux pour mieux entendre. Léandre entra dans la grande salle du palais avec le petit chapeau rouge sur sa tête. Le voilà devenu invisible. Dès qu'il aperçut Furibon qui écoutait, il prit un clou avec un marteau, il y attacha rudement son oreille. Furibon se désespère, enrage, frappe comme un fou à la porte, poussant de hauts cris. La reine, à cette voix, courut l'ouvrir, elle acheva d'emporter l'oreille de son fils. Il saignait comme si on l'eût égorgé, et faisait une laide grimace. La reine, inconsolable, le met sur ses genoux, porte la main à son oreille, la baise et l'accommode. Lutin se saisit d'une poignée de verges dont on fouettait les petits chiens du roi, et commença d'en donner plusieurs coups sur les mains de la reine et sur le museau de son fils. Elle s'écrie qu'on l'assassine, qu'on l'assomme. Le roi regarde, le monde accourt, l'on n'aperçoit personne. L'on dit tout bas que la reine est folle et que cela ne lui vient que de douleur de voir l'oreille de Furibon arrachée. Le roi est le premier à le croire. Il l'évite quand elle veut l'approcher. Cette scène était fort plaisante. Enfin, le bon lutin donne encore 1000 coups à Furibon, puis il sort de la chambre, passe dans le jardin et se rend visible. Il va hardiment cueillir les cerises, les abricots, les fraises et les fleurs du parterre de la reine. C'était elle seule qui les arrosait. Il y allait de la vie d'y toucher. Les jardiniers, bien surpris, vinrent dire à leur majesté que le prince Léandre dépouillait les arbres de fruits et le jardin de fleurs. « Quelle insolence ! » s'écria la reine. « Mon petit Furibon, mon cher Poupard, oublie pour un moment ton mal d'oreille et cours vers ce scélérat. Prends nos gardes, nos mousquetaires, nos gendarmes, nos courtisans, mets-toi à leur tête, attrape-le et fais-en une capilotade. » Furibon, animé par sa mère et suivi de 1000 hommes bien armés, entre dans le jardin et voit Léandre sous un arbre qui lui jette une pierre dont il lui casse le bras et plus de 100 oranges au reste de sa troupe. On voulut courir vers Léandre, mais en même temps, on ne le vit plus. Il se glissa derrière Furibon qui était déjà bien mal. Il lui passa une corde dans les jambes. Le voilà tombé sur le nez, on le relève et on le porte dans son lit, bien malade. Léandre, satisfait de cette vengeance, retourna où ses gens l'attendaient. Il leur donna de l'argent et les renvoya dans son château, ne voulant mener personne avec lui qui pût connaître les secrets du petit chapeau rouge et des roses. Il n'avait point déterminé où il voulait aller. Il monta sur son beau cheval appelé Gridelin et le laissa marcher à l'aventure. Il traversa des bois, des plaines, des coteaux et des vallées, sans compte et sans nombre. Il se reposait de temps en temps, mangeait et dormait, sans rencontrer rien digne de remarque. Enfin, il arriva dans une forêt où il s'arrêta pour se mettre un peu à l'ombre, car il faisait grand chaud. Au bout d'un moment, il entendit soupirer et sangloter. Il regarda de tous côtés, il aperçut un homme qui courait, qui s'arrêtait, qui criait, qui se taisait, qui s'arrachait les cheveux, qui se meurtrissait de coups. Il ne douta point que ce ne fût quelque malheureuse insensée. Il lui parut bien fait et jeune. Ses habits avaient été magnifiques, mais ils étaient tout déchirés. Le prince, touché de compassion, l'aborda. « Je vous vois dans un état, lui dit-il, si pitoyable, que je ne peux m'empêcher de vous en demander le sujet en vous offrant mes services. »« Ah, Seigneur, répondit ce jeune homme, il n'y a plus de remède à mes maux. C'est aujourd'hui que ma chère maîtresse va être sacrifiée à un vieux jaloux qui a beaucoup de bien, mais qui la rendra la plus malheureuse personne du monde. « Elle vous aime donc ? » dit Léandre. « Je puis m'en flatter, » répliqua-t-il. « Et dans quel lieu est-elle ? » continua le prince. « Dans un château, au bout de cette forêt. répondit l'amant. « Eh bien, attendez-moi, dit encore Léandre. Je vous en donnerai de bonnes nouvelles avant qu'il soit peu. » En même temps, il mit le petit chapeau rouge et se souhaita dans le château. Il n'y était pas encore qu'il entendit l'agréable bruit de la symphonie. En arrivant, tout retentissait de violons et d'instruments. Il entre dans un grand salon rempli des parents et des amis du vieillard et de la jeune demoiselle. Rien n'était plus aimable qu'elle, mais la pâleur de son teint, la mélancolie qui paraissait sur son visage et les larmes qui lui couvraient les yeux de temps en temps marquaient assez sa peine. Léandre était alors lutin. Il resta dans un coin pour connaître une partie de ceux qui étaient présents. Il vit le père et la mère de cette jolie fille qui la grondait tout bas de la mauvaise mine qu'elle faisait. Ensuite, ils retournèrent à leur place. Lutin se mit derrière la mère et, s'approchant de son oreille, il lui dit « Puisque tu contrains ta fille de donner sa main à ce vieux magot, assure-toi qu'avant 8 jours, tu en seras puni par ta mort. » Cette femme, effrayée d'entendre une voix et de n'apercevoir personne, et encore plus de la menace qui lui était faite, jeta un grand cri et tomba de son haut. Son mari lui demanda ce qu'elle avait. Elle s'écria qu'elle était morte si le mariage de sa fille s'achevait, qu'elle ne le souffrirait pas pour tous les trésors du monde. Le mari voulut se moquer d'elle, il la traitait de visionnaire. Mais Lutin s'en approcha et lui dit « Vieille incrédule, si tu ne crois pas ta femme, il t'en coûtera la vie. Romps l'hymen de ta fille et la donne promptement à celui qu'elle aime. » Ces paroles produisirent un effet admirable. On congédia sur-le-champ le fiancé, on lui dit qu'on ne rompait que par des ordres d'en haut. Il en voulait douter et chicaner, car il était normand. Mais Lutin lui fit un si terrible « ouh ouh » dans l'oreille qu'il en pensa devenir sourd, et pour l'achever, il lui marcha si fort sur ses pieds goutteux qu'il les écrasa. Ainsi, on courut chercher l'amant du bois, qui continuait de se désespérer. Lutin l'attendait avec 1000 impatiences. Il n'y avait que sa jeune maîtresse qui pût en avoir davantage. L'amant et la maîtresse furent sur le point de mourir de joie. Le festin, qui avait été préparé pour les noces du vieillard, servit à celle de ses heureux amants. Et Lutin, se délutinant, parut tout d'un coup à la porte de la salle comme un étranger qui était attiré par le bruit de la fête. Dès que le marié l'aperçut, il courut se jeter à ses pieds, le nommant de tous les noms que sa reconnaissance pouvait lui fournir. Il passa 2 jours dans ce château, et s'il avait voulu, il les aurait ruinés, car ils lui offrirent tous leurs biens. Il ne quitta une si bonne compagnie qu'avec regret. Il continua son voyage et se rendit dans une grande ville, où était une reine qui se faisait un plaisir de grossir sa cour des plus belles personnes de son royaume. Léandre, en arrivant, se fit faire le plus grand équipage que l'on eût jamais vu. Mais aussi, il n'avait qu'à secouer sa rose, et l'argent ne manquait point. Il est aisé de juger qu'étant beau, jeune, spirituel et surtout magnifique, la reine et toutes les princesses le reçurent avec 1000 témoignages d'estime et de considération. Cette cour était des plus galantes. N'y point aimer, c'était se donner un ridicule. Il voulut suivre la coutume et pensa qu'il se ferait un jeu de l'amour, et qu'en s'en allant, il laisserait sa passion, comme son train. Il jeta les yeux sur une des filles d'honneur de la reine, qu'on appelait la belle Blondine. C'était une personne fort accomplie, mais si froide et si sérieuse, qu'il ne savait pas trop par où s'y prendre pour lui plaire. Il lui donnait des fêtes enchantées, le bal et la comédie tous les soirs. Il lui faisait venir des raretés des 4 parties du monde. Tout cela ne pouvait la toucher. Et plus elle lui paraissait indifférente, plus il s'obstinait à lui plaire. Ce qui l'engageait davantage, c'est qu'il croyait qu'elle n'avait jamais rien aimé. Pour être plus certain, il lui prit envie d'éprouver sa rose. Il la mit en badinant sur la gorge de Blondine. En même temps, de fraîche et d'épanouie qu'elle était, elle devint sèche et fanée. Il n'en fallut pas davantage pour faire connaître à Léandre qu'il avait un rival aimé. Il le ressentit vivement et, pour en être convaincu par ses yeux, il se souhaita le soir dans la chambre de Blondine. Il y vit entrer un musicien de la plus méchante mine qu'il est possible. Il lui hurla 3 ou 4 couplets qu'il avait faits pour elle, dont les paroles et la musique étaient détestables. Mais elle s'en récréait comme de la plus belle chose qu'elle eût entendue de sa vie. Il faisait des grimaces de possédé qu'elle louait tant elle était folle de lui. Et enfin, elle permit à ce crasseux de lui baiser la main pour sa peine. Lutin, outré, se jeta sur l'impertinent musicien et, le poussant rudement contre un balcon, il le jeta dans le jardin, où il se cassa ce qui lui restait dedans. Si la foudre était tombée sur Blondine, elle n'aurait pas été plus surprise. Elle crut que c'était un esprit. Lutin sortit de la chambre sans se laisser voir, et sur le champ, il retourna chez lui, où il écrivit à Blondine tous les reproches qu'elle méritait. Sans attendre sa réponse, il partit, laissant son équipage à ses écuyers et à ses gentilshommes. Il récompensa le reste de ses gens. Il prit le fidèle Gridelin et monta dessus, bien résolu de ne plus aimer après un tel tour. Léandre s'éloigna d'une vitesse extrême. Il fut longtemps chagrin, mais sa raison et l'absence le guérirent. Il se rendit dans une autre ville où il apprit, en arrivant, qu'il y avait ce jour-là une grande cérémonie pour une fille qu'on allait mettre parmi les Vestales, quoiqu'elle n'y voulût point entrer. Le prince en fut touché. Il semblait que son petit chapeau rouge ne lui devait servir que pour réparer les torts publics et pour consoler les affligés. Il courut au temple. La jeune enfant était couronnée de fleurs, vêtue de blanc, couverte de ses cheveux. Deux de ses frères la conduisaient par la main, et sa mère la suivait avec une grosse troupe d'hommes et de femmes. La plus ancienne des Vestales attendait à la porte du temple. En même temps, Lutin cria à tue-tête « Arrêtez, arrêtez, mauvais frère, mère inconsidérée, arrêtez, le ciel s'oppose à cette injuste cérémonie. Si vous passez outre, vous serez écrasés comme des grenouilles. » On regardait de tous côtés sans voir d'où venaient ces terribles menaces. Les frères dirent que c'était l'amant de leur sœur qui s'était caché au fond de quelque trou pour faire ainsi l'oracle. Mais Lutin, en colère, prit un long bâton et leur en donna 100 coups. On voyait hausser et baisser le bâton sur leurs épaules comme un marteau dont on aurait frappé l'enclume. Il n'y avait plus moyen de dire que les coups n'étaient pas réels. La frayeur saisit les Vestales, elles s'enfuirent, chacun en fit autant. Lutin resta avec la jeune victime. Il ôta promptement son petit chapeau et lui demanda en quoi il pouvait la servir. Elle lui dit, avec plus de hardiesse qu'on en aurait attendu d'une fille de son âge, qu'il y avait un cavalier qui ne lui était pas indifférent, mais qui lui manquait du bien. Il leur secoua tant la rose de la fée gentille qu'il leur laissa 10 millions. Ils se marièrent et vécurent très heureux. La dernière aventure qu'il eut fut la plus agréable. En entrant dans une grande forêt, il entendit les cris plaintifs d'une jeune personne. Il ne douta point qu'on ne lui fît quelque violence. Il regarda de tous côtés et enfin il aperçut 4 hommes, bien armés, qui emmenaient une fille qui paraissait avoir 13 ou 14 ans. Il s'approcha au plus vite et leur cria « Que vous a fait cet enfant pour la traiter comme une esclave ?»« Ah ah, mon petit seigneur !» dit le plus apparent de la troupe. « De quoi vous mêlez-vous » « Je vous ordonne, ajouta Léandre, de la laisser tout à l'heure. » « Oui, oui, nous n'y manquerons pas, dirent-ils en riant et en se moquant de lui. Le prince, en colère, descendit de cheval et mit son petit chapeau rouge. « Il s'est sauvé, dirent les voleurs, attrapons son cheval. » Il y en eut un qui resta près de la jeune fille. Les 3 autres coururent après Gridelin. La petite continuait de se plaindre. « Mon aventure, vous enverriez vos amazones chercher la pauvre Abricotine. » Léandre, qui l'écoutait, saisit le bras du voleur qui la retenait et l'attacha à un arbre, sans qu'il vît même qui le liait. Abricotine profita de ce moment pour se sauver. Léandre appela Gridelin, qui se défit en 3 coups de pied des 3 voleurs. Lutin souhaita d'être où était Abricotine. Il la trouva si lasse qu'elle s'appuyait aux arbres, ne pouvant se soutenir. Lorsqu'elle aperçut Gridelin, qui venait si gaillardement, elle s'écria « Bon, bon, voici un joli cheval qui reportera Abricotine au palais des plaisirs. » Lutin l'entendait bien, mais elle ne le voyait pas. Il s'approche, Gridelin s'arrête, elle se jette dessus. Lutin la serre entre ses bras et la met doucement devant lui. Oh, qu'Abricotine eut de peur de sentir quelqu'un et de ne voir personne. Elle n'osait remuer, elle fermait les yeux de crainte d'apercevoir un esprit. Elle ne disait pas un pauvre petit mot. Le prince, qui avait toujours dans ses poches les meilleures dragées du monde, lui en voulut mettre dans la bouche, mais elle serrait les dents et les lèvres. Enfin, il ôta son petit chapeau et lui dit « Comment, Abricotine, vous êtes bien timide de me craindre si fort. C'est moi qui vous ai tiré de la main des voleurs. » Elle ouvrit les yeux et le reconnut. « Ah, Seigneur, dit-elle, je vous dois tout. Il est vrai que j'avais grande peur d'être avec un invisible. » « Je ne suis point invisible, répliqua-t-il, mais apparemment que vous aviez mal aux yeux et que cela vous empêchait de me voir. » Abricotine le crut, quoique d'ailleurs elle eût beaucoup d'esprit. Après avoir parlé quelque temps de choses indifférentes, Léandre la pria de lui apprendre son âge, son pays, et par quel hasard elle était tombée entre les mains des voleurs. « Je vous ai trop d'obligations, dit-elle, pour refuser de satisfaire votre curiosité. Mais, Seigneur, je vous supplie de songer moins à m'écouter qu'à avancer notre voyage. » Une fée, dont le savoir n'a rien d'égal, s'entêta si fort d'un certain prince qu'encore qu'elle fût la première fée qui eût eu la faiblesse d'aimer, elle ne laissa pas de l'épouser en dépit de toutes les autres, qui lui représentaient sans cesse le tort qu'elle faisait à l'ordre de féerie. Elles ne voulurent plus qu'elle demeurât avec elle, et tout ce qu'elle put faire, ce fut de se bâtir un grand palais proche de leur royaume. Mais le prince qu'elle avait épousé se lassa d'elle. Il était au désespoir de ce qu'elle devinait tout ce qu'il faisait. Dès qu'il avait le moindre penchant pour une autre, elle lui faisait le sabbat, et rendait l'aide à faire peur la plus jolie personne du monde. Ce prince, se trouvant gêné par l'excès d'une tendresse si incommode, partit un beau matin sur des chevaux de poste, et s'en alla, bien loin, se fourrer dans un grand trou, au fond d'une montagne, afin qu'elle ne pût le trouver. Cela ne réussit pas, elle le suivit et lui dit qu'elle était grosse, qu'elle le conjurait de revenir à son palais, qu'elle lui donnerait de l'argent, des chevaux, des chiens, des armes, qu'elle ferait faire un manège, un jeu de paume et un mail pour le divertir. Tout cela ne put le persuader. Il était naturellement opiniâtre et libertin. Il lui dit sans dureté, il l'appela vieille fée et loup-garou. « Tu es bien heureux, lui dit-elle, que je sois plus sage que tu n'es fou, car je ferais de toi, si je voulais, un chat criant éternellement sur les gouttières, ou un vilain crapaud barbotant dans la boue, ou une citrouille, ou une chouette. Mais le plus grand mal que je puisse te faire, c'est de t'abandonner à ton extravagance. Reste dans ton trou, dans ta caverne obscure avec les ours. Appelle les bergères du voisinage. Tu connaîtras, avec le temps, la différence qu'il y a entre des gredines et des paysannes, ou une fée comme moi, qui peut se rendre aussi charmante qu'elle le veut. » Elle entra aussitôt dans son carrosse volant et s'en alla plus vite qu'un oiseau. Dès qu'elle fut de retour, elle transporta son palais, elle en chassa les gardes et les officiers. Elle prit des femmes de race d'Amazone. Elle les envoya autour de son île pour y faire une garde exacte, afin qu'aucun homme n'y pût entrer. Elle nomma ce lieu l'île des plaisirs tranquilles. Elle disait toujours qu'on n'en pouvait avoir de véritable quand on faisait quelque société avec les hommes. Elle éleva sa fille dans cette opinion. Il n'a jamais été une plus belle personne. C'est la princesse que je sers. Et comme les plaisirs règnent avec elle, on ne vieillit point dans son palais. Tel que vous me voyez, j'ai plus de 200 ans. Quand ma maîtresse fut grande, sa mère, la fée, lui laissa son île. Elle lui donna des leçons excellentes pour vivre heureuse. Elle retourna dans le royaume de féerie, et la princesse des plaisirs tranquilles gouverne son état d'une manière admirable. Il ne me souvient pas, depuis que je suis au monde, d'avoir vu d'autres hommes que les voleurs qui m'avaient enlevé, et vous, Seigneur. Ces gens-là m'ont dit qu'ils étaient envoyés par un certain laid et mal bâti, appelé Furibon, qui aime ma maîtresse, et n'a jamais vu que son portrait. Il rôdait autour de l'île sans oser y mettre le pied. Nos Amazones sont trop vigilantes pour laisser entrer personne, mais, comme j'ai soin des oiseaux de la princesse, je laissai envoler son beau perroquet, et, dans la crainte d'être grondé, je sortis imprudemment de l'île pour l'aller chercher. Ils m'attrapèrent et m'auraient emmené avec eux, sans votre secours. « Si vous êtes sensible à la reconnaissance, dit Léandre, ne puis-je pas espérer, belle Abricotine, que vous me ferez entrer dans l'île des plaisirs tranquilles, et que je verrai cette merveilleuse princesse qui ne vieillit point. « Ah, Seigneur, lui dit-elle, nous serions perdus, vous et moi, si nous faisions une telle entreprise. Il vous doit être aisé de vous passer d'un bien que vous ne connaissez point. Vous n'avez jamais été dans ce palais. Figurez-vous qu'il n'y en a point. » « Il n'est pas si facile que vous le pensez, répliqua le prince, doté de sa mémoire les choses qui s'y placent agréablement. Et je ne conviens pas avec vous que ce soit un moyen bien sûr pour avoir des plaisirs tranquilles d'en bannir absolument notre sexe. « Seigneur, répondit-elle, il ne m'appartient pas de décider là-dessus. Je vous avoue même que si tous les hommes vous ressemblaient, je serais bien d'avis que la princesse fît d'autres lois. Mais, puisque n'en ayant jamais vu que 5, J'en ai trouvé 4 si méchants que je conclus que le nombre des mauvais est supérieur à celui des bons et qu'il vaut mieux les bannir tous. » En parlant ainsi, ils arrivèrent au bord d'une grosse rivière. Abricotine sauta légèrement à terre. « Adieu, Seigneur, » dit-elle au prince en lui faisant une profonde révérence. « Je vous souhaite tant de bonheur que toute la terre soit pour vous l'île des plaisirs. Retirez-vous promptement, crainte que nos Amazones ne vous aperçoivent. » « Et moi, » dit-il, « belle Abricotine, je vous souhaite un cœur sensible, afin d'avoir quelquefois part dans votre souvenir. » En même temps, il s'éloigna et fut dans le plus épais d'un bois qu'il voyait proche de la rivière. Il ôta la selle et la bride à Gridelin pour qu'il pût se promener et paître l'herbe. Il mit le petit chapeau rouge et se souhaita dans l'île des plaisirs tranquilles. Son souhait s'accomplit sur le champ. Il se trouva dans le lieu du monde le plus beau et le moins commun. Le palais était d'or pur. Il s'élevait dessus des figures de cristal et de pierreries qui représentaient le zodiaque et toutes les merveilles de la nature, les sciences et les arts, les éléments, la mer et les poissons, la terre et les animaux, les chasses de Diane avec ses nymphes, les nobles exercices des Amazones, les amusements de la vie champêtre, les troupeaux des bergères et leurs chiens, les soins de la vie rustique, l'agriculture, les moissons, les jardins, les fleurs, les abeilles, et parmi tant de différentes choses. Il n'y paraissait ni homme, ni garçon, pas un pauvre petit amour. La fée avait été trop en colère contre son léger époux pour faire grâce à son sexe infidèle. « Abricotine ne m'a point trompé, » dit le prince en lui-même. « L'on a banni de ces lieux jusqu'à l'idée des hommes. Voyons donc s'ils y perdent beaucoup. » Il entra dans le palais et rencontrait à chaque pas des choses si merveilleuses que, lorsqu'il y avait une fois jeté les yeux, il se faisait une violence extrême pour les en retirer. L'or et les diamants étaient bien moins rares par leur qualité que par la manière dont ils étaient employés. Il voyait de tous côtés des jeunes personnes, d'un air doux, innocent, riantes et belles comme le beau jour. Il traversa un grand nombre de vastes appartements. Les uns étaient remplis de ces beaux morceaux de la Chine, dont l'odeur, jointe à la bizarrerie des couleurs et des figures, plaisait infiniment. D'autres étaient de porcelaine si fine que l'on voyait le jour au travers des murailles qui en étaient faites. D'autres étaient de cristal de roche gravé. Il y en avait d'ambre et de corail, de lapis, d'agate, de cornaline, et celui de la princesse était tout entier de grandes glaces de miroir, car on ne pouvait trop multiplier un objet si charmant. Son trône était fait d'une seule perle, creusée en coquille où elle s'asseyait fort commodément. Il était environné de girandoles, garnies de rubis et de diamants, mais c'était moins que rien auprès de l'incomparable beauté de la princesse. Son air enfantin avait toutes les grâces des plus jeunes personnes, avec toutes les manières de celles qui sont déjà formées. Rien n'était égal à la douceur et à la vivacité de ses yeux. Il était impossible de lui trouver un défaut. Elle souriait gracieusement à ses filles d'honneur qui s'étaient, ce jour-là, vêtues en nymphes pour la divertir. Comme elle ne voyait point Abricotine, elle leur demanda où elle était. Les nymphes répondirent qu'elle l'avait cherchée inutilement, qu'elle ne paraissait point. Lutin, mourant d'envie de causer, prit un petit ton de voix de perroquet, car il y en avait plusieurs dans la chambre, et dit « Charmante princesse, Abricotine reviendra bientôt. Elle courait grand risque d'être enlevée, sans un jeune prince qu'elle a trouvé. » La princesse demeura surprise de ce que lui disait le perroquet, car il avait répondu très juste. « Vous êtes bien jolie, petit perroquet, » lui dit-elle. « Mais vous avez l'air de vous tromper, et quand Abricotine sera venue, elle vous fouettera. »« Je ne serai point fouettée, » répondit Lutin, contrefaisant toujours le perroquet. « Elle vous comptera l'envie qu'avait cet étranger de pouvoir venir dans ce palais pour détruire dans votre esprit les fausses idées que vous avez prises contre son sexe. »« En vérité, perroquet, » s'écria la princesse, « c'est dommage que vous ne soyez pas tous les jours aussi aimable. Je vous aimerais chèrement. » Ah! « S'il ne faut que causer pour plaire, » répliqua Lutin, « je ne cesserai pas un moment de parler. » « Mais, » continua la princesse, « ne jureriez-vous pas que perroquet est sorcier ?»« Il est bien plus amoureux que sorcier, » dit-il. Dans ce moment, Abricotine entra et vint se jeter aux pieds de sa belle maîtresse. Elle lui apprit son aventure et lui fit le portrait du prince avec des couleurs fort vives et fort avantageuses. « J'aurais haï tous les hommes, ajouta-t-elle, si je n'avais pas vu celui-là. Ah, madame, qu'il est charmant! Son air et toutes ses manières ont quelque chose de noble et spirituel. Et comme tout ce qu'il dit plaît infiniment, je crois que j'ai bien fait de ne le pas amener. » La princesse ne répliqua rien là-dessus, mais elle continua de questionner Abricotine sur le prince. Si elle ne savait point son nom, son pays, sa naissance, d'où il venait, où il allait. Et ensuite, elle tomba dans une profonde rêverie. Lutin examinait tout, et continuant de parler comme il avait commencé, « Abricotine est une ingrate, madame, » dit-il. « Ce pauvre étranger mourra de chagrin s'il ne vous voit pas. » « Eh bien, perroquet, qu'il en meure, » répondit la princesse en soupirant. « Et puisque tu te mêles de raisonner en personne d'esprit, et non pas en petit oiseau, je te défends de me parler jamais de cet inconnu. » Léandre était ravi de voir que le récit d'Abricotine et celui du perroquet avaient fait tant d'impression sur la princesse. Il la regardait avec un plaisir qui lui fit oublier ses serments de n'aimer de sa vie. Il n'y avait aussi aucune comparaison à faire entre elle et la coquette Blondine. « Est-ce possible, disait-il en lui-même, que ce chef-d'œuvre de la nature, que ce miracle de nos jours, demeure éternellement dans une île, sans qu'aucun mortel ose en approcher ? Mais, continuait-il, de quoi m'importe que tous les autres en soient bannis, puisque j'ai le bonheur d'y être, que je la vois, que je l'entends, que je l'admire, et que je l'aime déjà éperdument ? Il était tard, la princesse passa dans un salon de marbre et de porphyre où plusieurs fontaines jaillissantes entretenaient une agréable fraîcheur. Dès qu'elle fut entrée, la symphonie commença et l'on servit un souper somptueux. Il y avait dans les côtés de la salle de longues volières remplies d'oiseaux rares dont Abricotine prenait soin. Léandre avait appris dans ses voyages la manière de chanter comme eux. Il en contrefit même qui n'y était pas. La princesse écoute, regarde, s'émerveille, sort de table et s'approche. Lutin gazouille la moitié plus fort et plus haut. Et prenant la voix d'un serin de canari, il dit ces paroles où il fit un air impromptu. « Les plus beaux jours de la vie s'écoulent sans agrément. Si l'amour n'est de la partie, on les passe tristement. Aimez, aimez tendrement. Tout ici vous y convie. Faites le choix d'un amant. L'amour même vous en prie. » La princesse, encore plus surprise, fit venir Abricotine et lui demanda si elle avait appris à chanter à quelqu'un de ses serins. Elle lui dit que non, mais qu'elle croyait que les serins pouvaient bien avoir autant d'esprit que les perroquets. La princesse sourit et s'imagina qu'Abricotine avait donné des leçons à la gente volatile. Elle se remit à table pour achever son souper. Léandre avait assez fait de chemin pour avoir bon appétit. Il s'approcha de ce grand repas dont la seule odeur réjouissait. La princesse avait un chat bleu, fort à la mode, qu'elle aimait beaucoup. Une de ses filles d'honneur le tenait entre ses bras. Elle lui dit « Madame, je vous avertis que Bluet a faim. » On le mit à table avec une petite assiette d'or et dessus une serviette à dentelle bien pliée. Il avait un grelot d'or avec un collier de perles et d'un air de Ramina Grobis, il commença à manger. « Oh oh ! » dit Lutin en lui-même, un gros matou bleu qui n'a peut-être jamais pris de souris et qui n'est pas assurément de meilleure maison que moi, a l'honneur de manger avec ma belle princesse. Je voudrais bien savoir s'il l'aime autant que je le fais, et s'il est juste que je n'avale que de la fumée quand il croque de bons morceaux. Il ôta tout doucement le chat bleu, il s'assit dans le fauteuil et le mit sur lui. Personne ne voyait Lutin. Comment l'aurait-on vu? Il avait le petit chapeau rouge. La princesse mettait Perdreau, Caïto, Faisandeau sur l'assiette d'or de Bluet. Perdreau, Caïto, Faisandeau disparaissaient en un moment. Toute la cour disait « Jamais Chat-Bleu n'a mangé d'un plus grand appétit. » Il y avait des ragoûts excellents. Lutin prenait une fourchette et, tenant la patte du chat, il tâtait au ragoût. Il la tirait quelquefois un peu trop fort. Bluet n'entendait point raillerie. Il miaulait et voulait égratigner comme un chat désespéré. La princesse disait « Que l'on approche cette tourte ou cette fricassée au pauvre Bluet. Voyez comme il crie pour en avoir. » Léandre riait tout bas d'une si plaisante aventure, mais il avait grande soif, n'étant point accoutumé à faire de si longs repas sans boire. Il attrapa un gros melon avec la patte du chat qui le désaltéra un peu. et le souper étant presque fini, il courut au buffet et prit 2 bouteilles d'un nectar délicieux. La princesse entra dans son cabinet, elle dit à Abricotine de la suivre et de fermer la porte. Lutin marchait sur ses pas et se trouva entière sans être aperçu. La princesse dit à sa confidente « Avoue-moi que tu as exagéré en me faisant le portrait de cet inconnu. Il n'est pas, ce me semble, possible qu'il soit si aimable. » « Je vous proteste, madame, répliqua-t-elle, que, si j'ai manqué en quelque chose, c'est à n'en avoir pas dit assez. » La princesse soupira et se tut pour un moment, puis reprenant la parole, « Je te sais bon gré, dit-elle, de lui avoir refusé de l'amener avec toi. » « Mais madame, répondit Abricotine, qui était une franche finette et qui pénétrait déjà les pensées de sa maîtresse, quand il serait venu admirer les merveilles de ces beaux lieux, quel mal vous en pouvait-il arriver ? Voulez-vous être éternellement inconnu dans un coin du monde, caché au reste des mortels ? De quoi vous sert tant de grandeur, de pompe, de magnificence, si elle n'est vue de personne ? Tais-toi, tais-toi, petite causeuse, dit la princesse. Ne trouble point l'heureux repos dont je jouis depuis 600 ans. Penses-tu que, si je menais une vie inquiète et turbulente, j'eusse vécu un si grand nombre d'années ? Il n'y a que les plaisirs innocents et tranquilles qui puissent produire de tels effets. N'avons-nous pas lu, dans les plus belles histoires, les révolutions des plus grands États, les coups imprévus d'une fortune inconstante, les désordres inouïs de l'amour, les peines de l'absence ou de la jalousie? Qu'est-ce qui produit toutes ces alarmes et toutes ces afflictions, le seul commerce que les humains ont les uns avec les autres? Je suis, grâce aux soins de ma mère, exempte de toutes ces traverses. Je ne connais ni les amertumes du cœur, ni les désirs inutiles, ni l'envie, ni l'amour, ni la haine. Ah, vivons, vivons toujours, avec la même indifférence. » Abricotine n'osa répondre, la princesse attendit quelque temps, puis elle lui demanda si elle n'avait rien à dire. Elle répliqua qu'elle pensait qu'il était donc bien inutile d'avoir envoyé son portrait dans plusieurs cours où il ne servirait qu'à faire des misérables, que chacun aurait envie de l'avoir, et que, n'y pouvant réussir, il se désespérerait. « Je t'avoue, malgré cela, dit la princesse, que je voudrais que mon portrait tombât entre les mains de cet étranger, dont tu ne sais pas le nom. « Eh, madame, répondit-elle, n'a-t-il pas déjà un désir assez violent de vous voir ? Voudriez-vous l'augmenter ?»« Oui, s'écria la princesse, un certain mouvement de vanité qui m'avait été inconnu jusqu'à présent m'en fait naître l'envie. » Lutin écoutait tout, sans perdre un mot. Il y en avait plusieurs qui lui donnaient de flatteuses espérances, et quelques autres les détruisaient absolument. Fin de la section 8.